travaille dans une mine quelque part en Allemagne. C'est toute sa vie, ses copains, sa raison d'être là. Il y a le patron qui lui dit de monter, il se manie et le verdict tombe. C'est l'heure de sa retraite, il est devenu las. Des collègues chantent a cappella une chanson pour sa mère. Le rideau est tombé, c'est terminé le travail difficile. On veut pour lui un lieu de vieillissement loin du fer, l'enfer commence. Il ne se sent plus docile. Schulz est sur son canapé à manger ses plats bien grillés. Il regarde ses meubles immobiles. Et il se sent comme se faisant de la bile. Il prend son accordéon, danse avec Léon. Ne plus tourner en rond, c'est un vœu de foison. C'est après son café, des bières avec ses potes, son saucisson tartine et ses tartes à la compote, qu'il se décide à écouter sa radio, qu'il prend son accordéon et joue avec brio. Plusieurs émissions sont retransmises, certaines parlent du travail et d'autres du cancer. Il mise sur la partie rhythm and blues, il tombe sur un air, joue de l'accordéon blues. Schulz est sur son canapé à manger ses plats bien grillés. Il regarde ses meubles immobiles. Comme se faisant de la pile, il prend son accordéon, danse avec Léon. Ne plus tourner en rond, c'est un vœu de foison. De foison. Faisant de la pile, il prend son accordéon.